J'en ai dans la street, on m'a confondu avec Rose. Tous les week-ends, mes ceintures me disent viens grosse. Dans le sud c'est triste, les balles ils font des ricochets. Moi j'peux rester avec toi même si t'es fauché. J'en ai dans la street, on m'a confondu avec Rose. Tous les week-ends, mes ceintures me disent viens grosse. Dans le sud c'est triste, les balles ils font des ricochets. Moi j'peux rester avec toi même si t'es fauché. J'suis rentré avec mon pitou dans la banque. Ça sert à quoi d'avoir chez soi un bala blanc? Bonheur m'a donné RTV, j'suis pas arrivé à temps. J'connais des gens qui sont mis en cavale à blanc. À dire dans mon check, y'avait même pas un pain. Et y'en a qui t'esquivaient quand y'avait pas un plan. Cette crève la roue, nous on roulera sur la jante. J'sens la beau citron, gros, j'sens pas le bois d'argent. Y'a des poteaux qui sont là pour le cœur et d'autres pour l'argent. J'pense que j'vois la vie en train d'insulter l'argent. C'est le matin, j'fais pas mes. Je suis à jeun. J'en ai dans la street, on m'a confondu avec Rose. Tous les week-ends, mes ceintures me disent viens grosse. Dans le sud c'est triste, les balles ils font des ricochets. Moi j'peux rester avec toi même si t'es fauché. J'en ai dans la street, on m'a confondu avec Rose. Tous les week-ends, mes ceintures me disent viens grosse. Dans le sud c'est triste, les balles ils font des ricochets. Moi j'peux rester avec toi même si t'es fauché. La faute danser, gros tu vas pas commencer. En me faire lancer, t'es là que tu parles pas français. Rentre chez toi, ne traîne pas si ta femme elle est enceinte. Apporte-y à manger, ne la stresse pas. Elle a les nerfs là, non, ne la stresse pas. Elle a les nerfs là, non, ne la stresse pas. Elle a les nerfs là, non, ne la stresse pas. Elle a les nerfs là. On me voit pas, je suis comme Kaiser Sosé. Et je rigole sur net quand je vois mon sosie. D'être mon pote, moi je te l'ai pas. Le peuple négocié. Entre nous et vous les gars, y'a un gros fossé. C'est pas assez 1200 pour aller bosser. Qui vous êtes pour nous juger, nous faire des procès? J'en ai dans la street, on m'a confondu avec Rose. Tous les week-ends, mes ceintures me disent viens grosse. Dans le sud c'est triste, les balles ils font des ricochets. Moi j'peux rester avec toi même si t'es fauché. J'en ai dans la street, on m'a confondu avec Rose. Tous les week-ends, mes ceintures me disent viens grosse. Dans le sud c'est